Amos chapitre 9. Je vis le Seigneur se tenant debout sur l'autel, et disant, frappe le linteau de la porte, et que les poteaux soient ébranlés, et blessés tous à la tête, et je tuerai par l'épée ce qui sera resté d'eux, celui d'entre eux qui s'enfuyait, ne s'enfuira point, et celui d'entre eux qui échappait, ne réchappera point. Quand ils auraient creusé jusqu'aux lieux les plus bas de la terre, ma main les enlèvera de là, quand ils monteraient jusqu'aux cieux, je les en ferai descendre. Et quand ils se seraient cachés au sommet de Carmel, je les y rechercherai, et les enlèverai de là, et quand ils se seraient cachés de devant mes yeux au fond de la mer, je commanderai aux serpents de les y mordre. Et lorsqu'ils s'en iront en captivité devant leurs ennemis, je commanderai à l'épée qu'elle les y tue, je mettrai mes yeux sur eux pour leur faire du mal, et non pas pour leur faire du bien. Car c'est le Seigneur, l'Éternel des armées, qui touche la terre, et elles se fond, et tous ceux qui l'habitent mènent deuil, et elle s'écoule toute comme un fleuve, et est submergée comme par le fleuve d'Égypte. C'est lui qui a bâti ses étages dans les cieux, et qui a établi ses armées sur la terre, qui appelle les eaux de la mer, et qui les répand sur le dessus de la terre, son nom est l'Éternel. Ne m'êtes-vous pas comme les enfants des Chusiens, vous, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, et les Philistins de Caphtor, et les Syriens de Kir? Voici, les yeux du Seigneur, l'Éternel, sont sur le royaume pécheur, et je l'abolirai de dessus la terre, mais pourtant je n'abolirai point entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je commanderai, et je ferai errer la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on fait promener le grain dans le crible, sans qu'il en tombe un grain en terre. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, eux qui disent, le mal n'approchera point de nous, et ne nous préviendra point. En ce temps-là je relèverai le tabernacle de David qui sera tombé, et je réparerai ses brèches, et je refermerai ses ouvertures, je le rebâtirai comme il était au jour ancien, afin qu'il possède le reste de l'Idumée, et toutes les nations sur lesquelles mon nom sera invoqué, dit l'Éternel, qui fait cela. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que le laboureur atteindra le moissonneur, et que celui qui foule les raisins, atteindra celui qui jette la semence, et les montagnes distilleront le moût, et tous les coteaux en découleront. Et je ramènerai de la captivité, ceux de mon peuple d'Israël, qui auront été emmenés captifs, et on rebâtira les villes désertes, et on y habitera, ils planteront des vignes, et ils en boiront le vin, ils feront aussi des jardins, et ils en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre, laquelle je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu.